Benoît Socal, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci beaucoup de passer cette heure avec nous. Vous êtes dessinateur de bande dessinée, vous êtes même l'un des chefs de file de la BD européenne, près de 25 ans après la création de votre personnage fétiche, l'inspecteur Canardo. Alors vous avez été l'un des premiers, je crois, à dessiner sur ordinateur, et il y a environ 10 ans, vous avez basculé dans le jeu vidéo, mais tout en continuant à dessiner. Le mariage, il va de pair naturellement entre la BD et le jeu vidéo? Ben, moi, je considère que c'est le même métier. Simplement, bon, forcément, j'ai commencé le métier de raconteur d'histoires en images il y a 30 ans. Et comme tous les métiers, il évolue. Vous n'avez pas le même micro qu'il y a 30 ans non plus. Simplement, les outils changent. La manière de raconter une histoire change. Et aujourd'hui, j'ai des images de synthèse au lieu d'avoir des images de papier. J'ai la possibilité de faire évoluer mes personnages dans un décor, d'aller derrière le décor, de les immerger avec beaucoup plus de force qu'avec des images de papier. Et donc, c'est ces outils-là que j'emploie aujourd'hui. Ça m'empêche pas d'aimer dessiner et d'aller du dessin traditionnel à l'image de synthèse et d'en faire des allers-retours perpétuels. D'ailleurs, vous travaillez en ce moment sur un projet qui couvre à la fois l'univers du jeu vidéo et l'univers de la BD. C'est un projet qui s'appelle Paradise. Il y a la BD qui vient de sortir chez Casterman, je crois. Mm-hmm. Et il y aura bientôt le jeu l'an prochain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire les deux en même temps? C'est parti d'un constat, c'est que en fait aujourd'hui, et on le voit encore par le sujet précédent avec ces écrans, etc., il y a une offre terrible dans tout ce qui concerne le multimédia, non seulement en termes de matériel, mais aussi en termes de support, de médias. Et il y a des gens qui lisent des bandes dessinées, il y en a d'autres qui jouent aux jeux vidéo, il y en a qui sont des fans de DVD, ainsi de suite. Et en fait, l'offre est tellement large que plus personne ne peut être un espèce de rousseauiste comme ça qui aurait une culture totale. Il faut qu'on les gens choisissent. Donc aujourd'hui, quand on a une histoire à raconter, il faut la décliner sur des supports différents pour toucher non pas le plus de monde possible, c'est pas le but, mais pour toucher les gens qui sont susceptibles justement d'être sensibles à ce qu'on raconte. Et c'est pour ça que, à partir d'un scénario commun, d'un tronc commun, je le décline à la fois en bande dessinée pour les lecteurs de bande dessinée et en jeu vidéo pour les joueurs de jeux vidéo. Et peut-être pour les deux, qu'est-ce qui est le plus difficile finalement, faire une BD en solitaire, parce que vous décrivez un peu ce métier comme un travail en solitaire, ou faire un jeu en équipe? C'est un autre exercice. Hein. Je dirais que le scénario d'un jeu vidéo est peut-être ce qu'il y a de plus compliqué dans le monde du scénario. C'est-à-dire? C'est-à-dire que autant on s'entend bien sur le fait que raconter une histoire en bande dessinée, c'est très linéaire. Le héros va d'un point A à un point B et il est perturbé dans sa progression par une série d'épreuves. Il est aidé par une autre série de baguettes magiques en quelque sorte. Et ce type de scénario est valable pour le dessin animé, pour le cinéma aussi. Quand il s'agit de jeux vidéo, on doit éclater le scénario, on doit prévoir cette liberté totale qu'on donne à notre joueur, en fait, c'est de dire d'aller derrière le décor, de perturber la dramaturgie par sa lenteur ou sa rapidité. Et en fait, on doit faire ce qu'on appelle un scénario multimédia, un scénario éclaté. C'est très compliqué à construire parce qu'il faut prévoir justement tous les aléas que va provoquer le joueur en progressant à un rythme qui lui est propre. Paradise, ça va se passer en Afrique. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est une histoire. En fait, chacun de mes jeux vidéo, c'est une recréation d'univers et de monde. Et j'avais envie de recréer, en quelque sorte, l'Afrique de mon enfance. Puisque je suis d'origine belge et que j'étais baigné toute mon enfance par le Congo belge. Et par Tintin au Congo, oui. Voilà, une espèce d'Afrique centrale rêvée avec hippopotames, léopards, éléphants. Tout le matériel de l'Afrique au sens traditionnel du terme. Et donc j'avais envie de revisiter cette espèce de monde rêvé, mais avec un éclairage très très contemporain, c'est-à-dire un rêve qui se fracasse à la vraie Afrique d'aujourd'hui qui n'est pas nécessairement rose. Alors Benjamin le disait tout à l'heure, vous étiez l'un des premiers à coloriser vos dessins par le biais de l'ordinateur quand on faisait de la BD. Vous n'avez pas peur de perdre la main un petit peu? Mais je ne fais pas la même parce que je dessine beaucoup plus qu'avant. Je dessine des tas de dessins qui servent à la préparation du jeu. Et simplement, c'est une évolution normale. Aujourd'hui, ben, il faut coloriser, à mon avis, par ordinateur, parce que la chaîne graphique qui va du dessin original à la chose imprimée est une chaîne informatique. Donc c'est idiot de dessiner comme les hommes de Lascaux et après ça de confier ces espèces d'œuvres à toute une chaîne qui est une chaîne numérique. Il faut comprendre cette chaîne numérique, il faut l'appréhender. C'est pas pour ça qu'on ne dessine plus à la main, mais simplement c'est un outil en plus. Mais après ça on scanne. Oui. Vous avez un autre projet, Aquarica, ici ce ne sera pas de la BD, mais un jeu et un long métrage, c'est ça en projet, dans oui. l'univers de Schuiten. Oui, oui. C'était une rencontre, en fait, François Schuiten, c'était un espèce d'ami d'école, en quelque sorte, et on a, au cours de nos vacances, élaboré, imaginé un scénario, et on voudrait de fait le faire à la fois en film d'animation, parce que moi je rêve de faire un film d'animation en images de synthèse, et à la fois en jeu vidéo. Et pourquoi pas après ça en bande dessinée. Ce qu'on veut, c'est décliner. C'est vraiment le credo de White Bird, la boîte que j'ai créée avec quelques amis, c'est de dire voilà, on part d'un scénario commun et on le décline pour voir ce que ça fait dans d'autres domaines. Comment on le réécrit dans d'autres domaines. C'est pas l'un n'est pas le goodies de l'autre. C'est simplement dire voilà, on réécrit, c'est une autre aventure. Parce que l'aventure du roman, c'est une aventure, l'aventure du jeu vidéo, c'est une autre, celle de la BD, c'en est une troisième, avec ses joies et ses peines, comme toutes les aventures créatrices. Mais bon, voilà, on veut tout ça, tout, en fait. Merci, hein, Benoît Sokal. Le premier tome de Paradise, la BD, est sorti chez Casterman. Il y en aura trois autres. Le jeu, lui, sera édité au début du printemps 2006 par Micro Application.